Chapitre 9. Le temps paraissant se gâter et la mer devenir mauvaise dans l'après-midi du lundi qui suivit, Balanec avait été faire une visite à ses casiers et consolider les ancres de son grand ponton flottant au milieu du port, un ancien bateau hors de service, maintenant transformé en vivier pour les homards et les langoustes. C'est curieux tout de même que le Jean-Marie Hervé ne soit pas encore de retour, s'exclama-t-il au moment où il prenait pied sur les dalles glissantes du quai, chacune de ses mains balançant un énorme crabe, de ceux qu'on appelle dormeurs ou point clos, qu'il rapportait pour manger. « Qu'en penses-tu, père l'étoupe ?» Il interpellait un vieux pêcheur, assis près de la guérite du douanier, un des plus anciens de Camaret, le bonnet de fourrure grossière enfoncé jusqu'aux sourcils, ne laissant passer que des mèches raides d'un blanc jaune tombant sur le cuivre terreux de la peau. Un drôle de bonhomme, ce Pierre Lecoz, surnommé l'étoupe, un séco de 75 ans, qui s'en allait pêcher toujours seul dans une minuscule embarcation, une plate, quelquefois jusqu'au tas de poids, sans plus de souci de sa vieille carcasse que si le danger n'existait pas pour lui. Celui-ci poussa toutefois les lèvres en avant, d'une moue peu rassurante, et ses petits yeux clignotèrent entre les paupières dépourvues de cils, brûlés par les années de mer. « Faudrait pas qu'il s'attarde, le gars !» Entre le grand gouin et les capucins des crêtes d'écume commençait à moucheter la mer, qui fonçait de plus en plus, tandis que le ciel devenait couleur d'ardoise. « Possible qu'il soit retourné d'où il venait, ce revenant !» intervint, une grosse gaieté épandue sur sa face rougeaude et luisante, Maradour qui passait, le tablier relevé du coin, le petit chapeau de feutre mou collé un peu en arrière sur ses boucles frisées, revenant de son abattoir, le fusil à repasser ses couteaux breloquant au bout d'une chaîne, le long de ses jambes aux mollets bombés. « Ah, te voilà, toi, loustique !» grogna Balanec, rembarrant volontiers les joyeusetés et les plaisanteries qui paraissaient la spécialité de ce gai vivant, toujours à rire et à débiter des farces. « Qu'est-ce que tu as encore à nous raconter ? Que j'ai fait une fameuse affaire de veau, pas plus tard que ce matin, dans la campagne, avec de faillis paysans, à qui j'en ai compté une solide, une aventure de bateau d'Australie chargé de lapins à couler, échoué au Vérillac et inondant le pays, tant et si bien que tout le monde par nos côtes ne mangeait plus que du lapin et que la viande était pour rien, qu'on n'en voulait plus, quoi. Du coup, ils ont pris peur et j'ai eu leurs bestiaux à moitié prix. Pandard, va, si j'avais été à mon bord... grommela Balanec, riant malgré lui, mais avec un geste énergique. « Cette fois, c'est lui !» interrompit Pierre l'étoupe. À la pointe du grand gouin, une voile brune se montrait, puis une seconde, et tous reconnurent la Marianne. « Il arrive qu'il n'ait que temps !» assura Balanec. « 3 ris qu'il a pris !» constata le boucher, indiquant les voiles baissées à mi-mât. « C'est que ça commence à vanter dur du nord-est, tout de même !» La passe du Toulinguet n'a pas dû être commode, au diable! Un hurlement plaintif gémissait de plus en plus fort, plein de menaces. La mer moutonnait, se couvrant d'écume, tandis qu'au-dessus du goulet, les nuages s'épaississaient encore, et, brusquement, l'averse s'abattit, masquant la côte de Léon, fouettant de ses fines baguettes rigides les flocons blancs des vagues, et paraissant vouloir chasser la barque qui filait, courant débordée, se rapprochant peu à peu, en coupant de biais dans la direction du phare. « Le voilà dans la brume. Un coup de crachin pour Brest, pas pour ici. » Dans le port, une agitation secouait les barques, faisant clapoter l'eau en 1000 vaguelettes jusqu'au bord du quai. Tout cela dansait, miroitait, s'entrechoquait avec un tapage harmonieux et sauvage, donnant à ce coin d'océan, enfermé comme un lac énorme entre les rocs noirs, les falaises brunes et les landes vertes, une poésie farouche, très grande et très saisissante. La Marianne entre dans le port avec une vitesse extraordinaire, fuyant devant la bourrasque et coupant de son avant l'eau qui rejaillit en gerbe. Adroitement, elle glisse entre les barques, à l'ancre, sans en heurter une seule, et vient, obéissant à la barre, toute voile tombée, ranger la cale qui avoisine l'hôtel de la marine au centre du nautique. 4 jours qu'elle est dehors, et qu'on se demande ce qu'elle a pu faire durant tout ce temps-là. Jamais les barques de Camaret ne s'attardent autant en mer, même pour la pêche de la raie. Une certaine curiosité s'éveille autour de la barque d'Hervé, curiosité encore avivée par l'espèce de mystère, continuant, pour beaucoup, à flotter sur lui, à l'envelopper, et que ce surnom de revenant souligne d'une pointe macabre, funèbre, bien en rapport avec l'esprit facile aux légendes de ces populations de Bretagne. Une satisfaction se trahit sur les visages trempés de pluie des hommes de l'équipage, et Pierrick, les dents au vent dans un large rire de plaisir, illuminant son museau de singe, regarde les gens du quai avec des grimaces contentes. « Il y a du poisson, la cale est pleine !» observe le père Létoupe. « Pas étonnant après 4 jours de pêche. Hé, le revenant, c'est-il d'Amérique que tu arrives ?» questionne narquoisement Maradour, occupé à fixer dans un anneau scellé au quai l'amarre que vient de lui lancer Kerbonne. Hervé ne répond pas. Le nez baissé, tournant le dos, il range ses engins de pêche et on ne voit de lui que sa casaque cirée qui ruisselle, ses pantalons luisants et le couvre-nuque dégouttant d'eau de son suroît. Maradour, ébahi, cligne de l'œil à Kerbonne, qui n'ose rien dire, les yeux tout ronds, un haussement d'épaule ayant l'air de signifier « je ne sais pas ce qu'il a ». Quand le patron se décide enfin à montrer son visage, ses sourcils froncés, la dureté de son œil, le pli mauvais de sa bouche contrastent avec l'air radieux de ses hommes. « Pas l'air commode, le gars. Une vilaine mine devant debout, ce coco-là. Il ne me revient qu'à moitié. » C'est encore Maradour qui donne son avis, mais cette fois à voix basse, comprenant que toute plaisanterie devenait impossible avec une pareille face d'ours. Tréboul, Kerbonne et Lagadec commencent à débarrasser la barque de son chargement, et bientôt les raies énormes viennent plaquer avec un formidable floc leur grand corps plat sur les dalles de la cale. Les unes montrent le blanc laiteux de leur ventre, où saignent des roseurs, la fente hideuse de leur bouche étrangement placée en plein corps. Les autres dressent sur leur dos marbré, d'un brun roux tirant sur le verdâtre, ces terribles épines qui se prolongent jusqu'à l'extrémité de la queue longue et étroite et font d'atroces blessures venimeuses. Chaque homme ne peut en saisir qu'une à la fois pour la traîner hors du bateau, se colletant pour ainsi dire avec elles, tellement elles sont de belle taille. Tout le plan incliné qui monte vers le quai en est bientôt couvert. Les sabots des pêcheurs glissent sur ces masses gluantes entassées de ci de là, par paquets, en un grouillement confus, d'où sortent des ailerons, des nageoires, des queues spatulées, et où miroitent des blancs de perles, des luisants tachés de sang. Pierre Létoupe calcule à mi-voix. Une vingtaine au moins, peut-être plus. Bon coup de filet. 4 francs l'une dans l'autre, une pièce de 80 francs qu'il ramène, ça vaut déjà le dérangement, conclut Balanec, qui estime que la saison commence à être bonne. L'arrêt allant des 2,50 francs de septembre aux 6 francs du plein hiver. Il donne du pied dans un drôle de poisson ressemblant un peu à l'arrêt, mais de forme plus allongée et muni de nageoires bizarres en manière d'aile. Oh ça, pas fameux. 50 centimes pièce. Ce sont des anges, un poisson hideux et sans valeur. Mais voilà que Tréboul commence à amener des homards, des langoustes, des araignées de mer, des dormeurs, qu'il range les uns après les autres ou qu'il ramasse en tas, par espèces, les saisissant par les antennes, par les pattes, en se méfiant des énormes pinces tranchantes et dures comme du fer. Les couleurs d'azur, les jaunes triomphants, les carapaces brunes, les rouges vermillons mettent une animation brillante, une note étonnamment colorée dans la masse plus terne des poissons. Balanec, affriandé, tout à son commerce, examine, tâte, mesure avec un mètre sorti de sa poche pour voir si les langoustes ont la longueur voulue par les règlements de la pêche. Il en saisit une, grognonne. « A-t-elle ses 20 centimètres, ton écrevisse ?» La queue étendue à plat, la mesure est dépassée. Il la replace sur les autres, bougonnant. « Oui, oui, mais c'est jeune. » « Des bêtes si voraces, ces raies !» explique un pêcheur à ses voisins. Quand on pense que ça mange ses petits, que ça avale jusqu'à des écrevisses, enfin tout ce que ça trouve. Tout un cercle de camarétois est là, penché au bord du quai, donnant son avis sur ce que rapporte le camarade, avec cette curiosité machinale, instinctive, qui pousse le pêcheur vers le poisson. « Il y en a, Madoué, pas à plaindre, le gars !» Tréboul de la Marianne riposte. « Pas à plaindre, faut voir, dame. On en a eu aussi du mal, de la pointe de Brézelecora et de Saint-Amolène. » Heureux encore qu'on n'y soit pas resté dans le caillou. Il marmotte ses derniers mots entre ses dents, en jetant un regard de côté au patron, trop occupé pour l'entendre. Mais on devine qu'il a dû se passer des choses pas ordinaires, et que ce n'est point pour rien que le 888 est resté 4 jours dehors. Pierrick, lui, bavarde avec les mousses des galopins de son âge. C'est au Pierre Noir que nous avons fait le plus. On aurait cru qu'il voulait vider la mer. Maître Pierre Guivarc entendit. Il songea. Il cherchait son trésor, pauvre gars, comme si des fois la mer rendait ce qu'elle prend. Le vieux marin pensait juste. Quand, au retour, après des bords courus dans les environs de Saint, il avait vu les parages où s'était brisé le bâtiment qui le ramenait en France, il avait voulu, malgré le danger, malgré une mer qui se faisait mauvaise, jeter ses filets sur le lieu même du naufrage, depuis le Renvel jusqu'à la basse large. Jamais il n'avait donné tant de soin à la pêche. Deux orins étant jetés, munis d'une énorme pierre qui les tend et les fixe à 50 mètres sous l'eau, tandis qu'un fort liège les maintient en haut, les filets à large maille sont attachés entre ces orins et maintenus dans une position verticale par de petites pierres à la partie inférieure, par des morceaux de liège à la supérieure. La raie vient alors donner dans ce piège, et la violence du choc, rejetant les pierres par-dessus elle, l'enveloppe ainsi dans le filet. Hervé était le plus ardent, penché sur le bordage, fouillant des yeux les profondeurs de la mer, impatient de la secousse annonçant la prise. Peu à peu, le filet remontait. Qu'y avait-il dedans? D'abord, il apercevait comme un nuage, puis le nuage prenait une forme, une blancheur tendre, spectrale flottait, une chose ressemblant à la lune au profond des eaux. Et finalement, il reconnaissait le ventre blanc de la raie. À l'aide d'un croc, on la harponnait vivement. Sitôt jeté dans la barque, il se précipitait pour achever la bête palpitante, l'assommant d'une sorte de gourdin comme le penbass des chouans, qui trouait la tête du poisson, la criblant de blessures saignantes. C'était avec une véritable rage qu'il procédait à ce massacre, chaque fois qu'une nouvelle victime arrivait à bord. « On eût dit un ennemi !» souligna Lagadec, donnant ses détails. D'autres fois, il avait des mécomptes. C'étaient de cramoisies araignées de mer, avec leurs longues pattes maladroites pendant autour d'elles. De monstrueux oursins verts, rouges, violets, hérissés de piquants, roulant en boule dans les mailles, ou des anémones, la flore et la faune de l'océan pêle-mêle. Ce que nul de ces hommes n'avait pensé, c'est qu'il était là, l'esprit fou, espérant toujours voir remonter autre chose, attendant toujours la pêche miraculeuse de ce qu'il avait perdu et que le hasard aurait pu lui rendre. En quelques instants, Balanec, le mareyeur, eut fait prix avec Hervé pour l'ensemble de sa pêche. Tout compte fait, chacun revenait avec une somme rondelette. « Ce serait à recommencer que je ne le ferais pas, tonnerre de Brest !» gronda Lagadec, à qui un camarade faisait compliment de son aubaine. « Bah, le métier veut ça. Vous êtes rentré avant le grain. Oh, dame, maintenant je ne dis pas !» La mer noircissait encore. Un rugissement continu courait tout le long des galets, derrière la chapelle, et venait briser rageusement, à la hauteur de l'usine, comme si le flot eût voulu dévorer le stivelle, balayer tout. L'averse, emportée par une bourrasque, s'envolait vers Penhat, regagnant le large. Les lames, plus hautes, creusaient davantage et le goulet disparaissait sous les bandes régulières d'écume. Lagadec reprit. « Nous en avons vu de rudes. » Tréboul affirma. « On aurait dit que le patron était devenu fou, Madoué. » Sa main esquissa un geste devant le front comme pour un signe de croix. Ils entrèrent dans d'autres détails, racontant leur départ de Camaret sur les minuits de jeudi. Cela allait bien. Il était convenu qu'on allait pêcher la raie de la côte de Bezec à la pointe du vent, puis fouiller les cailloux pour le homard et les crevisses, enfin revenir à Camaret vendredi soir, samedi matin selon le vent. « Ah bien oui !» souffla Kerbonne. « D'abord, au lieu de rester sous Bezec, nous piquons droit sur Douarnenez, où le patron, après une consigne sévère, passe la journée et la nuit chez ses faillis russes, toute cette mauvaise peuplade de Douarnenéziens, qui nous cogne toujours à coups de pierre quand on les rencontre sous le vent. Voilà donc qui ne va pas bien. Bon, lorsqu'il revient à bord, il était ivre qu'il n'y voyait plus. Jamais, jamais j'aurais cru ça de lui. C'était la première fois. Et il en disait. Nous nous entre-regardons, pensant ça va porter malheur. De fait, depuis son retour à Camaret, pas une fois on avait vu Hervé Guivarc s'arrêter dans les débits de boissons. Il ne refusait pas une politesse, un verre d'eau de vie par-ci par-là. Jamais on ne l'avait vu sur le quai, aller à droite, à gauche, dans la folie lourde de l'ivresse bretonne, de ces gens de mer qui n'ont que ce vice, que cet oubli de leur rude existence. Aussi le récit de ces hommes étonna. « Il était sous-perdu, » continua Lagadec. « Il embarque la bouche pleine de mauvaises paroles, de jurons, tel que nous nous consultons un moment, demandant s'il faut lui obéir encore ou le crocher et le coucher à fond de cale. Mais quoi ? C'était le patron. Il prend la barre et commande. Pas moyen de résister. Avec ça, fort comme une baleine, à tout chavirer, si on avait fait mine de refuser. Adieu va, on cède, on pousse au large. Quelle vie autour du sein ! C'est une chance que nous en soyons revenus. Le plus dur encore a été aux pierres noires. 20 fois j'ai cru la Marianne, la quille crevée. Faut croire que Sainte Anne ou la Vierge nous a protégés. Enfin nous voilà, et sans envie de recommencer. Hervé venait d'aborder Pierre Guivarc. Son visage semblait un peu rasséréné, avec une nuance de honte, comme s'il eût craint que sa débauche de Douarnenez ne fût visible ou déjà connue par les bavardages de ses hommes. Il montra un superbe turbot, sa part de pêche, et dit « Pour Marianic. » « Ah, la pauvre fille n'a pas le cœur en joie, » répondit le maître de port. « Elle est auprès de son amie, la Louise d'Agorne, qui est à l'heure de sa fin. Elle ne rentrera pas aujourd'hui. » Le jeune homme étouffa un blasphème, haussa les épaules et fit un geste violent, comme pour jeter le poisson dans le quai. « Que te prend-il, garçon ?» demanda le vieillard étonné. L'autre se calma, farouche, et baissa le front, de nouveau sombre et absorbé.